4. Le livre des règles de bienséance dans la manière de se coucher, de s'allonger, de s'asseoir, de prendre place dans les assemblées et concernant les rêves. Chapitre 127. Les invocations avant de dormir. 814. D'après Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhuma, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, se mettait au lit, il se couchait sur le côté droit puis disait « Ô Allah, je t'ai soumis mon âme, je me suis confié à toi, j'ai orienté mon visage vers toi et je m'en suis remis à toi rempli d'espoir et de crainte. Il n'y a ni refuge ni asile contre toi si ce n'est auprès de toi. J'ai cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. Allahumma aslamtu nafsi ilayk. ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت البخاري 815 البراء بن عازب رضي الله عنهما rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Lorsque tu te mets au lit, fais tes ablutions comme pour la salat, puis dis « Ô Allah, je t'ai soumis mon âme, je me suis confié à toi, j'ai orienté mon visage vers toi et je m'en suis remis à toi, rempli d'espoir et de crainte. Il n'y a ni refuge, ni asile contre toi, si ce n'est auprès de toi. J'ai cru en ton livre que tu as révélé et en ton prophète que tu as envoyé. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajouta « Et quelles soient tes dernières paroles avant de dormir ?» Al-Bukhari et Muslim. 816. D'après Aisha, radiallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pour habitude d'accomplir la nuit 11 unités de prière, raka'at. Quand l'aube se levait, il en accomplissait deux courtes, puis s'allongeait sur le côté droit, jusqu'à ce que le muadzin vienne l'informer que l'heure de la prière était venue. Al-Bukhari et Muslim. 817. Selon Hudhayfa, radiallahu anhu, chaque fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, allait se coucher le soir, il posait sa main droite sous sa joue, puis disait « Ô Allah, c'est en ton nom que je meurs et je vis. Allahumma bismika amutu wa ahya. » Et quand il se réveillait, il disait « Louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que se fera la résurrection. » Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Al-Bukhari 818. Ya'ish ibn Tirfa al-Rifari, radiyallahu anhu, rapporte que son père a dit « Alors que j'étais allongé sur mon ventre dans la mosquée, quelqu'un me secoua avec son pied en me disant « Voilà une façon de s'allonger qu'Allah déteste. » J'ai alors levé la tête, il s'agissait du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » Abu Daoud avec une chaîne authentique. 819. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui s'assoit à un endroit sans y évoquer, par le dhikr, Allah Ta'ala, aura commis un manquement qu'Allah lui fera regretter. Et celui qui s'allonge à un endroit sans y évoquer Allah Ta'ala, aura commis un manquement qu'Allah lui fera regretter. » Abu Daoud avec une bonne chaîne. 820.